Oh, salut Benjamin, comment vas-tu? Thank you. Buy it, you don't have to say it. JP, take the lead. Thank you. paix, moi, c'est toi que je vise. Thank you. freestyle. Pour les Fedetta, Rachida da. Rachida Dati. Pour les Fedetta, fais ton cul. Rachida Dati, mise en cause pour les Fedetta, Fede. Pour les Chepetta, pour les chefs d'accusation d'État. Pour Carlos Ghosn, allô Rami. Dans la malle, Carlos dans le violoncelle, bien caché, Rachida Dati est prise pour des faits d'état, da. Thank you. sol, di, ma, sol. Crazy. Moi aussi, ça chauffe grave. Merci, Ben. Il est trop cool. Comme ça. Thank you. than your day. Don't bring, don't bring on your horse, don't bring on your cow. Si j'aime et vous, je cherche, j'ai pas envie de chercher.